5. Le lendemain, les jours suivants, chaque jour, Paulin sur les 2 heures arrivait. Et ce leur fut bientôt une habitude. Anatolie disait à Paulin, « N'est-ce pas une amitié charmante? Je n'ai pas une seule pensée que je ne te raconte. Et toi ?»« Non, répondait-il. » Et pourtant, il avait à lui cacher bien des choses, car il était dans la révolution qui travaille, et qui ne se contente pas de rêver, mais prépare les grèves, les émeutes, combine le bouleversement. Là-dessus, il gardait le silence. Ses idées, il les proclamait volontiers, non sa besogne, il la cachait. Anatolie ne s'en aperçut guère, jusqu'un jour où, en partant, il lui annonça qu'il ne croyait pas venir le lendemain. « J'ai trop à faire. »« Quoi donc ?»« Mais beaucoup de lettres, et qu'importe. » Elle fut enchantée. « Eh bien, apporte ici ton travail, je t'installerai. Tu auras pour toi cette table, est-elle assez grande ? Et je t'aiderai. »« Non, non, il ne faut pas m'aider. » « Mais je peux travailler ici, en effet, le voulez-vous ? » Il travailla tout l'après-midi. Seulement, il exigea, et voir avec un peu de dureté, qu'Anatolie ne sut pas ce qu'il écrivait, ou bien il s'en irait. Et elle lut auprès de lui. Elle lut quelque temps. Il lui avait prêté des livres. Il tâchait de gouverner ses lectures. Elle ne tarda point à fermer le livre, et elle prit un petit ouvrage de broderie, auquel ses doigts s'occuperaient, tandis qu'elle serait tout bonnement contente d'avoir Paulin près d'elle. Et chez elle, comme chez lui. Paulin leva la tête, et souriant. « Décidément, les livres et vous ?»« C'est vrai, dit-elle, je ne peux pas les supporter. Quand il ne m'ennuie pas, il me choque. Mais alors, je vous ennuie ou je vous choque, parce qu'en somme, mes idées, je ne les invente pas, je les tiens de ces mêmes livres. Ça m'ennuyait, je t'en défie. Et si tu me choques, je n'en sais rien. Oui, tu me choques de temps en temps. Je ne t'en veux pas. J'en veux aux livres, où on est injuste. » Il la regardait. Et pour la remercier d'être injuste, il n'eut pas à lui répondre. Il se remit à son travail. Il écrivait à des secrétaires de syndicats, à des fédérations et en province à divers affiliés. Il transmettait les ordres du comité directeur, lequel, pour la libération de la classe et pour l'arrivée de la classe nouvelle sous les drapeaux, organisait des manifestations. Et il songeait qu'Anatolie aurait l'horreur de ce complot dont il était l'agent très attentif. Il ne concevait pas qu'il pût jamais la rallier à une telle initiative. Et il avait pitié d'elle, venue à lui, et qui l'amenait doucement à ses doctrines, et qui laisserait en chemin, car lui ne s'arrêterait pas. Elle qui brodait lentement se disait que sans doute il la choquait, et elle se demandait si peut-être elle n'était pas ombrageuse. Plus d'une idée l'avait surprise, offensée presque, et puis l'avait apprivoisée. Beaucoup d'idées ne la scandalisaient plus, et d'autres l'enchantaient, qui de prime abord l'effarouchait. Et même, elle en était un peu inquiète par moments. Elle subissait l'attrait des idées. Elle les croyait extrêmement belles. Et elle ne se trompait aucunement. Les idées sont belles. C'est l'emploi qu'on en fait qui n'est pas beau. Mais Paulin ne la lui montrait que seul. Paulin, qui lançait les ordres des meutes, se disait qu'il dupait Anatolie. Il l'aménageait. Il se repentait de l'avoir amenée à mi-chemin pour la laisser là. Ce n'était pas seulement les meutes qui les séparerait. Jeune et crédule aux promptes échéances, il présageait la société future, et il n'y voyait pas de place pour cette jeune fille, en qui le passé, croyait-il, réalisait son chef-d'œuvre, et qu'animait les premiers rayons de l'avenir, et que le grand jour de l'avenir tuerait. Si alors il ne doutait pas de sa besogne, c'est qu'il était un fanatique, mais un fanatique assez relâche, où il s'apitoie. Elle, qui avait soin de ne pas le déranger, souffrait un peu de la retraite, où il se cantonnait tout cet après-midi. Pour lui pardonner, elle se disait qu'elle aussi réservait dans son âme un coin caché, où Paulin n'allait pas. Elle avait enfermé là ses croyances religieuses, afin de les protéger. Et ainsi, dans leur union, ces deux êtres commençaient de pressentir leur désaccord. Mais la ferveur de l'amitié les assemblait. Paulin le savait mieux qu'Anatolie. Anatolie se le dissimulait encore. Les idées dans leur amitié comptaient de moins en moins. Un jour, Anatolie dit à Paulin, « Tu m'as ravi quand tu prêchais la liberté. Maintenant, tu prêches tout le contraire, et je te suis. » Allait-elle s'apercevoir de la vérité ? Paulin l'en détourna. Il s'était fait un idéal intellectuel de leur amour, idéal fragile, et qu'il préservait plus obstinément s'il le sentait menacé. Vers le début de septembre, il y eut à Paris, pour quelques jours, le dramaturge scandinave Sigurd Ferguson, glorieux écrivain, qui dans son pays avait la situation d'un patriarche débonnaire, et à l'étranger la renommée d'un splendide énergumène. En France, on ignorait à peu près tout son théâtre, mais en maintes occasions, par des lettres aux journaux, il affirmait son opinion, laquelle était révolutionnaire très hardiment. L'égalitaire décida de l'accueillir et de donner en l'honneur de tant de génie une soirée dans ses bureaux du faubourg Montmartre, soirée intime, à laquelle seraient conviées les personnalités les plus marquantes du parti, plusieurs syndicalistes et quelques amis du journal. Poulain n'en fit pas mystère. Anatoli voulut être invité. « Écoute, Poulain, c'est une occasion magnifique, depuis le temps que je te supplie de me faire voir des révolutionnaires. » Il répondit un peu piqué. « Ce ne sont pas des bêtes curieuses. » « Enfin, dit Anatoli, ça m'amuserait. » Il n'admettait pas qu'un épisode de l'activité socialiste fût amusant. Il indiqua l'intention du parti, montrer par l'exemple saisissant de Fersen le rayonnement de la doctrine socialiste, qui, dans le monde entier, conquiert les plus hautes intelligences, et jusque dans les pays monarchiques, sur les marches du trône. Fersen est familièrement reçu par le roi. Il a fait nommer son gendre grand maréchal de la cour. « Un drôle de socialiste, dit Anatoli gaiement. » Il n'aima point cette plaisanterie. Il affirma que le roi lui-même était socialiste, ou à peu près, qu'au surplus, c'était affaire au parti de certifier le socialisme de Fersen. Il était de mauvaise humeur. L'idée d'amener Anatoli à l'égalitaire lui déplaisait. Elle insistait. Pourquoi se fâchait-il? C'était une soirée des plus sérieuses, raison de plus pour qu'elle y assista. Et avec son deuil, elle ne fut certes pas allée à une soirée mondaine. Il avait l'air très malheureux. « Mais pourquoi, Paulin? Qu'y a-t-il? Tu vas encore me dire que ce ne sont pas des gens pour moi. Ce sont les gens qui représentent les idées que tu cherches à me donner. Alors, que fais-tu de moi? Tu me donnes des idées qui me séparent de mon ancien entourage. Oh, tu sais que je ne le regrette pas. Si maintenant tu me sépares de ce qui serait mon nouvel entourage... Pardonnez-moi, dit-il très peiné. Oui, j'ai eu tort. Et ce n'est pas maintenant que j'ai tort. C'est en vous attirant à des doctrines... Qui sont vraies? Tu y crois? Qui n'étaient pas pour vous? Qui ne peuvent pas être pour vous? Anatoli n'admettait pas ce privilège. Ça, Paulin, c'est absurde. Je te parle du roman, mais aussi tu le mérites. Non, attends avant de te fâcher. C'est gentillesse de ta part. Tu te figures que je suis un être, je ne sais pas, un être rare et précieux. Si rare et si précieux que tu l'écarterais de tout le reste du monde. Je suis un être comme les autres. Je ne demande qu'à vivre, et mon Dieu, à vivre comme les autres. C'est ça qu'on m'a toujours refusé. Toi aussi, maintenant. Il se taisait. Oui, elle était un être à part, et pour maintes raisons qu'il eût déduites, et plus simplement parce qu'il l'aimait. Elle reprit. « Au surplus, je suis une ingrate, et je ne devrais pas me sentir isolée, puisque je t'ai, Paulin. Sans doute, et je t'en remercie. Tu sais de quel cœur. Mais enfin, toi-même, si bon pour moi, je ne t'ai pas complètement. Tu as, en dehors de moi, toute une vie où je ne pénètre pas. C'est le principal de ta vie, et là, tu as pour compagnie précisément les gens que tu m'empêches de connaître. » Il n'avait rien à lui répondre, et elle argumentait victorieusement contre lui. Et Paulin, qui se fiait aux opérations de la dialectique, s'étonnait de voir triompher par de bons raisonnements l'opinion fausse. Les orateurs sont habituellement de mauvais disputeurs. Ils valent dans le monologue. Paulin sourit de sa déconvenue. « Vous voyez bien que vous êtes un être à part. La logique vous favorise injustement. Alors, tu m'invites ?» Il hésita quelques secondes, et il lui demanda « Comment vous habillerez-vous ? » Elle éclata de rire. « Ça, par exemple. Mais comme tu voudras. Quel est l'uniforme ? » ?»« Je te taquine. Je m'habillerai, très simplement. Une petite robe un peu mieux que celle-ci, mais tout en noir, évidemment. » Il la voulait toute simple, oui, afin qu'elle ne fût pas remarquée dans une réunion de gens très modestes les uns et les autres qui affectaient la simplicité socialiste. Et puis il l'aurait voulu toute différente, et fut-elle extraordinairement parée, afin qu'on ne la confondît avec personne et qu'on sût qu'elle n'était pas, quoi, une émancipée. La contradiction de ses vœux lui prouvait qu'il ne devait pas accéder au désir d'Anatoli. Que faire? Sa question n'avait paru que sotte. Il se perdait parmi tant de subtilités. D'ailleurs, le malentendu n'était pas entre lui et elle, mais en lui, entre l'amoureux et le théoricien. Eh bien, venez, je le regrette. La soirée fut tout ce qu'il avait craint et pire. D'abord, Anatoli fut ravi de la comédie que lui donnaient les citoyens les plus notoires. Elle eût aimé que Paulin les lui désigna. Le pauvre garçon s'appliquait à ne pas rester auprès d'elle, et, sous prétexte d'épreuves à corriger, s'éclipsait. Le journal se faisait, tandis que le citoyen Lourdelot, rédacteur en chef, accueillait les invités. Et parmi les tasses de thé, les bocs de bière et les flûtes de champagne, pérorait sans discontinuer. Les invités allaient et venaient d'un bureau à l'autre, et à travers les cloisons minces d'un ancien premier étage de café, transformé pour sa destination nouvelle, on entendait de fortes discussions. Anatolie s'était assise chez Lourdelot. Des petits amours ailés, blonds et roses, avec le carquois et les flèches, ornaient les murs. Décor du cabinet particulier devenu socialiste. Une assez jeune femme arriva, en deuil et admirablement gaie, un peu vulgaire et jolie cependant. On la reçut avec respect, et manifestement avec plus de respect qu'elle n'en réclamait. Après l'avoir saluée, on la laissait toute seule. Anatolie, manœuvrant bien, parvint à la faire asseoir auprès d'elle, et elle la pria de lui nommer les hommes célèbres qui étaient là. « Certes, vous connaissez Lourdelot, n'est-ce pas? C'est le plus grand orateur du parti. Quant à présent, mais il y a un petit Bouvier qui pourrait bien lui damer le pion l'un de ces jours. « Ah, vraiment? Croyez-moi, je ne le vois pas. Je vous le montrerai. Tenez, celui-là, c'est le rigolo du parti. Là-bas, qui frise ses moustaches, il s'appelle Combat. Il fait des calembours, et Lourdelot n'y comprend rien. Dame, Lourdelot, c'est une grosse caisse. Il ne faut pas lui demander. Ça, c'est Désormeau, un raseur. » Et un tapeur par-dessus le marché. Il paraît qu'il sait le grec. Alors il ferait mieux de jouer aux cartes que d'être toujours après tout le monde pour Saint-Louis. Tenez, voici Bouvier. Bouvier, bonjour Bouvier. Paulin s'approcha. Il répondit avec la plus froide politesse à un vif empressement. Il détacha bientôt Anatolie de ce voisinage et, nerveux, il lui dit tout bas. Je ne veux pas que vous causiez avec cette femme. Quelle idée, elle est charmante. Qui est-ce? Rien de bon. Il partit et cette femme revint auprès d'Anatolie. « Il vous a dit du mal de moi ?»« Pas du tout. »« Oh, si, j'en suis sûr. Vous le connaissez donc ?»« Ils sont drôles, vous savez. Sous prétexte que je suis la veuve de Cobral et que Cobral était leur dieu, il faudrait que je pleure du matin au soir. J'aimais Cobral et je l'admirais. Mais enfin quoi, j'ai 35 ans. Et je ne suis pas une veuve hindoue. C'est vrai. Avec ça, ils m'invitent. La veuve du citoyen Cobral, ça les flatte. Mais ils me guettent, et si j'avais une fantaisie... J'en ai le droit, n'est-ce pas? Je suis libre. Ah, mes enfants, ce gros là-bas, c'est Bayerlove, un milliardaire. Il casque. Anatolie redoutait que Paulin ne la surprît encore avec la citoyenne de Cobral. Mais pouvait-elle s'en défaire? Et la citoyenne l'amusait. Lourdelot gesticulait et retentissait. D'ailleurs, on l'écoutait assez vaguement. Et l'intérêt véritable de la soirée n'était évidemment pas auprès de lui. Dans les coins, les couloirs, il y avait des conversations, des chamailleries à demi-voix. On attendait Sir Gur de Fergsen, et l'on se passait de lui. Seul Lourdelot, tout en parlant, regardait sa montre et guignait la porte. Fergsen arriva vers 11 heures. C'était un grand vieillard, très beau, rasé, des lunettes d'or sur le nez, de longs cheveux blancs, une figure toute pleine de bonhomie et joviale, la figure d'un notaire de vaudeville sur un corps d'athlète. Mais l'athlète s'appuyait d'un côté au bras d'une grosse dame très mûre, tout en diamants et en perles, de l'autre côté au bras d'un sexagénaire vif et rieur. Des bureaux voisins, de partout, on afflua. Lourdelot fut empathique et Fersen l'écoutait avec complaisance. La citoyenne Cobral dit à l'oreille d'Anatolie. La grosse femme, c'est Madame Grandbois. Le petit vieux, c'est Léandre Marceau, le romancier, vous savez bien. Marceau, qui soutenait le Scandinave, dit à Lourdelot. Il faut l'asseoir, il est complètement gris. Fersen, dans un fauteuil, considérait l'assistance. On lui présenta tout le monde et ce fut un défilé. Il tapotait la main des femmes. Il tapota la main d'Anatolie, et il bredouillait. « Jolie, jolie, ah, Paris, petite femme !» Marceau, ravi, comptait à Lourdelot. Il ne voulait pas venir. Il voulait aller à Montmartre, dans les cabarets. « Tenez-le, il va se sauver. » Madame Grandbois s'était saisie de Paulin, et très affectueusement s'informait de lui, roulant des yeux tendres. Sur un ton de commandement, elle disait des choses ingénues. Un peu plus tard, Anatolie demandait à Paulin. « Quelle est cette dame qui t'aime tant? Je vous ai parlé d'elle. » « Ah, c'est la dame de l'enlèvement, celle qui t'a pris à Castillac dans son automobile. Présente-moi. » Il hésitait, gauche, et sa bouche tremblait. « Présente-moi, Paulin, c'est ridicule. » Anatolie n'était pas beaucoup moins nerveuse que Paulin. La réunion, qui d'abord l'avait amusée, l'offensait, et elle n'eut pas dit pourquoi. Madame Grandbois lui prodigua les amabilités et lui déplut. Elle écouta de plus en plus vaguement le bavardage énergique et doucereux de cette poétesse. Elle écoutait davantage la conversation des unifiés, qui au surplus n'étaient pas d'accord, et qui, dans le jeu de la querelle, trahissaient évidemment le secret de leur précédent conciliabule. Il s'agissait de protester contre la nouvelle loi militaire et de débaucher les recrues. Lourdelot n'approuvait pas, et il fit un discours sage et confus, riche de métaphores. Le socialisme ne devrait pas s'aliéner les masses sombres océans, dont les lames, béliers farouches, mineraient la forteresse capitaliste, et qui sentait encore dans ses remous profonds la grande folie des armées en marche. Il avait une belle voix, du souffle, et quand il soulevait ses périodes, l'élançait. Il leur donnait une allure de grosse cavalerie. « Magnifique !» cria Madame Grandbois. Léandre Marceau se pencha vers elle. Anatolie l'entendit. « Non, ne l'approuvez pas, c'est dangereux. » Quatre syndicalistes écartèrent les auditeurs de Lourdelot et allèrent à lui comme des agents de police à un malandrin. L'un d'eux lui dit sous le nez « Quoi, vous cannez ? Encore ?» Il bégaya. « Je ne discute que l'opportunité. » Ce mot déchaîna la fureur. « Si vous redevenez opportuniste !» Et ce fut un vacarme. Désormais, bon garçon, tâchait de défendre Lourdelot. Mais il avait une façon pâteuse et molle de s'exprimer. Il sentit son impuissance. Les mains dans les poches, haussant les épaules, il regarda ses pieds. Lourdelot, qu'on menaçait, ne voyait pas sans inquiétude l'hostilité grandir autour de lui. En telle occurrence, il n'avait qu'un moyen de résister contre la peur. C'était de parler. Dans le silence, il était pusillanime, comme un enfant dans l'obscurité. Alors il parlait, comme chante un enfant pour divertir son courage. Il avait du tout au tout changé d'opinion, et avec la même éloquence, il vanta l'opinion de ses adversaires. Un matin, on put craindre qu'il n'allât trop loin dans leur sens. Il en jetait à cœur « Que veux-tu ?»« Eh bien, nota l'un des syndicalistes, il n'y avait qu'à le dire. »« Je l'ai dit, » répliqua Lourdelot. On crut qu'il recommençait. Désormais le retint. On s'apaisait. « Combat, » dit à Lourdelot. « Je suis bien content que vous soyez de notre avis, parce qu'on ne vous a pas attendu. Le travail se fait. » Lourdelot n'en revenait pas. « Est-ce vrai, Bouvier ?» dit alors Combat. « Oui. » Lourdelot, dans un coin, se plaignit à Désormais. « On ne me dit rien. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Désormais, avec sa lourde bonne foi, répondit. « Parce que tu es un orateur. Pour les secrets, ça ne vaut rien. » Madame Grandbois interpella Paulin. « Allons parler, c'est votre tour. On vous réclame. » Elle n'arrivait point à ne pas considérer un discours socialiste ou non, et les idées lui étaient indifférentes, comme une partie de concert, et l'orateur comme un virtuose. Elle insistait pour que Paulin jouât de son éloquence. Mais lui... Non, plus de paroles, des actes. Il était exaspéré. Madame Grandbois se tourna vers Anatolie et lui confia son regret. Il a grand tort. Je ne crois pas qu'il soit un homme d'action, c'est un poète. Un poète ? Anatolie doutait que ce fût un poète, l'homme qui organisait le débauchage des soldats. Elle était fille d'un soldat, mort au service du pays. Depuis une demi-heure, tout ce qu'elle entendait la blessait et l'insultait. Elle avait, un instant, espéré que Paulin ne se mêlait pas de l'entreprise abominable. La question posée par Combat l'avait terrifiée, et la réponse de Paulin frappait au cœur. Dans l'ardeur de la querelle, on négligeait le Scandinave. Un groupe, en se défaisant, le découvrit. Il était dans son fauteuil, comme devant, et il tenait dans ses deux mains la main dégantée de la citoyenne Cobral, assise auprès de lui, sur une chaise tout près. Il caressait longuement la main de l'auguste veuve et souriait béatement. Lourdelot ne put tolérer ce spectacle. Il bondit et fit décamper la citoyenne. Déjà Fersen appelait du doigt une petite Russe. Mais Lourdelot s'interposa. Il prit la chaise et entretint le Scandinave, qu'il ne l'écoutait pas beaucoup. La veuve du citoyen Cobral, un peu affriolée sans doute par les câlineries anodines du patriarche, eut l'air de ne plus savoir ce qu'elle voulait. Elle le savait. Elle vint très coquette et langoureuse à Paulin. « Bouvier, donnez-moi du champagne. » Et puis, « Mon petit Bouvier, je ne vous vois plus jamais. » Il s'excusa, très occupé. Ne voulait-il pas, ce soir, au moins, la reconduire chez elle? Si tard, elle était gênée de se trouver seule, dans les rues. Paulin l'eût jeté par la fenêtre. Il s'excusa encore. Impossible, vraiment, le journal à finir. Elle l'attendrait. Mais il ne partirait pas avant 3 heures de la nuit. Combat, farceur, intervint. Vous plaisantez. Je reste, je vous remplace. C'est vous qui me l'avez demandé. Reconduisez la citoyenne. Il avait prié Combat de le remplacer au journal afin de ramener chez elle Anatolie. L'avouerait-il ? Combat ricanait. Paulin chercha des yeux Anatolie. Elle était tout à côté de lui. Elle avait tout entendu. Elle lui dit « Au revoir, Paulin !» Et elle partit très vite sans qu'il osât courir après elle. Le lendemain, à 4 heures, Anatolie l'attendait avec angoisse. Il arriva, un paquet sous le bras, la mine sombre. Anatolie avait le visage bouleversé. Elle lui dit à brûle-pourpoint « Paulin, tout est changé depuis hier. Je m'en doutais, fit-il. Vous n'auriez pas dû venir. » « Je ne sais pas, reprit-elle. Peut-être. Mais non, je ne regrette pas le supplice que j'ai enduré. Quelle soirée !»« Je vous l'avais dit. Oui, mais je ne croyais pas que ce pût être ça. Non, je n'imaginais pas ça. et je ne prétends pas que tu m'aies caché tes idées. Seulement, si tu m'en as caché un peu, tu m'en as caché ce qui est trop ignoble. Ou bien, quand ce sont tes idées, elles ne me font pas cette horreur des idées des autres, qui sont sur toi comme une contagion. » Il se leva pour s'en aller. Il était pâle. « Tu t'en vas ? Je vous fais horreur. » « Ah, fou, écoute-moi, tu devrais me faire horreur, et c'est parce que tu ne me fais pas horreur que j'ai compris. Tu n'as donc pas compris, toi ? Tu n'as donc pas compris que nous nous aimons ?» Elle était convulsée et cependant radieuse. Elle épiait sur la figure de Poulain l'effet de son aveu. Poulain semblait pris de vertige. Il ne bougeait pas. Après un silence où elle se désespérait, elle reprit doucement. « Réponds-moi, tu ne l'avais donc pas compris ?» Il répondit « Je le savais. »« Ah, tu le savais ? Tu ne me le disais pas ?»« Mais tu le savais, et alors c'est pour toi une chose toute naturelle. Aussi n'es-tu pas tremblant comme moi de l'apprendre. Mais tu m'entends bien ? Nous nous aimions d'une amitié parfaite. Ce n'est plus d'amitié que je te parle, c'est d'amour. » Elle rougit. Mais elle n'avait point honte et ne disait rien qu'elle n'eût résolu de dire. Poulain, dans une immense joie, souffrait amèrement. Il était debout, et elle assise. Il ne s'approcha pas d'elle. Et immobile, ses lèvres remuant à peine, il lui dit « Je savais que nous nous aimions d'amour. Je crois que je vous ai toujours aimé. J'ai cru que vous le saviez et que jamais l'un de nous ne l'avouerait. Il valait mieux ne pas l'avouer, et surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi ? Ah, là-dessus, réponds-moi, tout net. C'est à cause de cette femme ? Est-ce qu'il y a quelque chose entre vous ? Quoi, la veuve de Cobra ? Non. Écoute, Paulin, jure-le-moi. Et puis, non, tiens, ce n'est pas la peine. C'est une folle, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est par elle que j'ai appris que je t'aimais. Oui, oui, j'ai été jalouse d'elle, qui te parlait. Oh, ces paroles m'ont brûlé. En étant jalouse, j'ai compris que j'étais amoureuse de toi. Ah, Paulin ! Elle s'élança vers lui. Elle lui prit la main, la lui baisa. Et Paulin, pareillement. Après cela, ils se regardèrent. Anatolie joyeuse, et Paulin comme devant un désastre. « Qu'y a-t-il ? Tu n'es pas heureux comme moi ? Mais que me disais-tu d'aujourd'hui, d'aujourd'hui surtout ? Qu'y a-t-il ? Eh bien, vous avez entendu hier, puisque ces idiots ont tout raconté, nous sommes dans l'émeute, nous n'y sommes pas, mais nous y serons dans 8 jours. » Anatolie s'écria, « Pas toi, non, pas toi, ça je ne le veux pas, je te le défends. Et maintenant, je peux te le défendre au nom de notre amour. C'est fini, je t'arrache à ta mauvaise besogne, à la révolution. » Jamais. Au ton qu'il avait, elle sut la rigueur de sa volonté. Ils se turent comme accablés l'un et l'autre. Puis Paulin reprit. « Alors, vous voyez, notre amour déclaré est un adieu. » À son tour, elle répartit. « Jamais. » Il l'adora, mais il répliqua. « Si, si, vous allez voir, ce paquet, je l'apporterai chez vous. Les bavardisières nous ont démasqués. Il y a toujours des mouchards dans une réunion de ce genre. Je m'attends à tout. Je m'attends à des perquisitions chez moi, chez d'autres. » J'ai voulu sauver ça, dont j'ai besoin parce que c'est toute l'organisation du complot. Je le mettrai chez vous, en sûreté. Je ne vous aurais pas dit ce que c'était, mais je vous l'ai dit. Vous n'en voulez pas, hein ? Elle se révolta. Tu vas brûler toutes ces infamies. Jamais. Enfin, c'est un marché que tu me proposes. Si je refuse... Mais non, mais non, mais non. Ce que je vous montre, c'est que vous avez horreur de ma besogne, horreur de moi. Mais elle releva son défi. « Eh bien, je les garde, tes papiers. » Alors il se repentit. On l'avait vu à l'égalitaire, on pouvait la soupçonner, perquisitionner chez elle aussi. Elle était brave et dit « Qu'on vienne. » Il était jeune et il aimait. L'amour que cette jeune fille lui témoignait si ardemment l'exaltait. Il avait le goût de dominer et le triomphe de sa volonté le dénivrait. Il abusa de sa victoire avec une sorte de gloriole absurde et avec une étrange perversité. Il avertit Anatolie du péril que la possession de tels papiers lui faisait courir. Elle accepta le risque, puis « Mais vous ne savez pas ce qu'il y a là-dedans. » Il défit le paquet. « Comme tu es sûr de toi, Paulin. Tenez, des appels à la désertion, des mandats tout préparés pour les déserteurs éventuels, pour leurs complices. Tenez, tenez, lisez. Règles pour le sabotage des fusils modèle 93, pour le sabotage des mitrailleuses. Tenez, pour l'évasion hors des locaux disciplinaires. » Il se tut soudain. Il avait remarqué Anatolie. Il l'avait vue blême et prête à n'en pas souffrir davantage. « Assez, Paulin, dit-elle. » Elle prit des mains de Paulin les papiers, refit l'alias et la ficela. Elle ouvrit son secrétaire et enferma le paquet. Il lui fallut déplacer divers objets. Elle agissait posément. Puis elle dit à Paulin. « J'ai appris hier soir que je t'aimais. Toi, tu prétends que tu le savais. Non, Paulin, tu viens de l'apprendre. » Il se fut agenouillé devant elle, mais elle était blanche comme une morte. Elle lui imposait, et elle eut peine à prononcer ces mots. « À présent, je te demande de t'en aller. Tu reviendras. J'ai besoin d'être seul. Sois sans crainte. Ton horrible dépôt sera bien gardé, et l'amour que j'ai pour toi sera bien gardé. Il a subi son épreuve. Il a résisté. Il est fort. Adieu. Reviendras-tu demain ?»« Oui. » Le lendemain, elle ne le vit pas. Une lettre lui annonça qu'il n'était pas libre. Une lettre d'amour délirant. Il y avait pourtant à cet amour une limite, la besogne de Paulin, sa mauvaise besogne, qu'il ne relâchait pas en faveur de son amour. Anatoli sentait cette limite et y butait. Il vint le surlendemain, le soir, sur les 9 heures. Anatoli ne l'attendait plus. Elle était inquiète de lui. Ils se revirent avec une joie presque douloureuse. S'il n'était pas venu la veille, et s'il venait à la nuit close, c'est qu'il redoutait les filatures. Ses relations avec Anatoli connues, elle risquait tout. Et alors, plutôt que de ne plus la voir, il lui reprenait son dépôt. Il le mettrait ailleurs. « Non, non, fit-elle, non. En gardant ses papiers, je t'ai marqué mon amour. En me les reprenant un jour, mais pour les jeter au feu, tu me prouveras un amour plus grand que n'est encore le tien. » Il n'eut pas le courage de lui répondre. Jamais. Il le pensa. Pourtant, il l'aimait. Il dit seulement, « Alors, je ne viendrai presque plus. Je ne vous verrai presque plus. Que veux-tu » fit-elle. Car elle n'était plus cette amie exigeante qui naguère suppliait Paulin de ne pas la délaisser. Elle avait, pour occuper son loisir, les durs débats de sa conscience et la perpétuelle compagnie de son amour. Il vint de temps en temps et, parfois, à des intervalles de plusieurs jours, le soir. Un soir, il annonça qu'il y avait eu des perquisitions, chez lui, chez Lourdelot. Quelle bêtise, chez Lourdelot. Chez d'autres encore, à la Confédération du Travail. Il était farouche. Il était narquois et raillait le stérile effort d'un gouvernement de 2 décembre. Il était courageux, mais il avait l'air d'une bête traquée. Un autre soir, il eut à chercher dans ses papiers un renseignement. Anatoli le vit fouiller dans les liasses. Il prit des notes sur un carnet et partit bientôt. Une autre fois, l'après-midi, ce fut Desormeaux qui l'envoya. Mais Desormeaux, Anatoli refusa de le voir. Elle lui fit remettre la clé du secrétaire. Elle ne le vit pas. Tandis qu'il était occupé sans doute à sa commission malfaisante, Anatoli, à l'idée qu'elle avait chez elle, tout le ressort de la machination, frissonnait. Et il fallait une nouvelle visite de Paulin pour la remettre sous l'enchantement et pour lui rendre ses terribles volontés. Des scrupules la tourmentaient, et elle se créait, avec l'ingéniosité de la passion, des excuses. Si les papiers abominables n'étaient pas chez elle, ne serait-il pas ailleurs et employé pareillement? Puis, ainsi, elle sauvait Paulin. Elle le sauvait d'être pris. Et qui sait, ne le sauvera-t-elle pas, un jour, des mauvaises idées, si par amour pour elle il renonçait à ses besognes d'émeute? Quel espoir! En attendant, elle accomplissait un grand acte d'amour et de sacrifice. Puis, plus elle en souffrait et plus elle en était contente. Elle avait tout offert à son amour, tout et jusqu'à des sentiments qui relèvent de l'honneur. Et quand venait Paulin, quand il était assis dans le salon peu éclairé, parlant très peu, goûtant la seule joie d'être ensemble, elle se figurait que parmi des ruines et des dévastations, leur chaste amour flambait, comme le dernier foyer d'un monde mort. À la fin de septembre, avant l'heure du dîner, on lui passa la carte du professeur d'Arbène Massenot. Elle le reçut. Oui, de bonnes vacances. Tout le monde allait bien, et le mariage sera célébré le 15 octobre. Sur la politique, le professeur d'Arbène Massenot ne plaisantait plus. Il y avait donc au néant quelques petites exceptions. Oui, pas de révolution, et ne fût-ce que par nihilisme, nulle idée n'en valant la peine. Et l'ordre ne fût-ce que par des enchantements. D'ailleurs, l'accord des principes qu'il affirmait nouvellement, et de sa philosophie, il le bâclait ce jour-là. Le complot socialiste le tourmentait, ce complot maintenant éventé, connu de tout le monde, et que seul le gouvernement avait l'air d'ignorer. S'il réussit, c'est la guerre civile autour des casernes, dans les casernes. La guerre civile et l'autre, nos ennemis auraient tort de se gêner. La guerre et notre armée en révolte. Peu s'en fallut qu'Anatoli ne se levât, ne prit dans son secrétaire les liasses maudites et ne les donna au professeur pour les jeter au feu. Il continuait. Les gaillards sont effrontés. Il serait facile d'en faire la rafle totale. Vous avez vu qu'ils vont tenir, demain, au Pré Saint-Gervais, un immense meeting antimilitariste. Eh bien, ils seront tous là, hors les lâches, qu'on les fusille. Dans son tragique désarroi, Anatoli eut un instant pour détester ce bonhomme, et elle lui criait mentalement, en échange de leur exécrable folie, qu'est-ce que vous offrez-vous? Vos poussières de néant? » Dès qu'il fut parti, elle mit son chapeau, son manteau, et sortit. Elle acheta l'égalitaire. Dans la rue, à la lumière d'un bec de gaz, elle lut l'annonce du meeting. Demain, dimanche, 3 heures, au Pré Saint-Gervais, orateur, 12 orateurs, Bouvier. Elle prit un fiacre et se fit conduire rue Lacépède. Il n'était pas chez lui. Au journal, il n'y était pas. On ne l'avait pas vu de la journée. Alors, où était-il? Et dans les rues nocturnes, dans les rues où la double horde des passants et des voitures faisait son vacarme, elle l'eût appelé. Le lendemain, dès le matin, elle retourna rue Lacépède. Et Paulin n'était pas rentré de la nuit. Où était-il? Les paroles du professeur Darben Massenot lui hantaient l'esprit. « Ils seront tous là, hors les lâches. » Paulin s'était-il esquivé? Non, Paulin n'était pas un lâche. Il se serait esquivé pour elle, par amour pour elle. Mais non, et elle le saurait. Puis elle n'eût pas voulu de lui un tel jour. Et Paulin n'était pas un lâche. Alors, en pensée, elle se joignait à lui, dans l'émeute. Paulin se méfiait. Il se cachait, afin de n'être pas pris la veille du grand péril, afin de risquer la fusillade. Alors elle eût bien voulu qu'il fût lâche. Elle n'avait plus qu'un moyen de le revoir, un seul, c'était d'aller au Pré Saint-Gervais. Elle irait. Quand elle arriva dans cette petite commune suburbaine, elle s'était imaginé les choses différemment. Elle se figurait mal une manifestation, la confondait avec une émeute, et au surplus, n'avait jamais vu de manifestation ni d'émeute. Des scènes de la Jacquerie et de la Révolution, vignettes que ses livres de classe imposaient à son esprit, la préparaient à un autre tumulte. Elle fut assez surprise de voir un village qui, par un beau dimanche de l'automne, commençant, ne trahissait pas beaucoup d'émoi. Elle descendit une rue où il y avait des vergers, des jardins, de vieilles maisons et des guinguettes. Des bonnes gens étaient sur le pas de leur porte, des enfants jouaient. Puis elle remarqua des groupes qui, les uns et les autres, suivaient la même direction, et dans le tranquille village, traçaient évidemment l'itinéraire des rancunes en marche. Elle n'eut pas à demander son chemin. Elle entra dans le sillage, longea des venelles provinciales. Puis l'horizon se découvrit. Un immense talus d'herbe, une espèce de pré, sans un arbre. Une foule assez peu dense jusqu'alors et flâneuse. De place en place sur le pré, des estrades hautes, habillées d'andrinoples rouges et surmontées de drapeaux rouges, qui au vent léger remuaient mollement. Anatoly était au bas de ce talus. Il se développait devant elle comme un large éventail. Elle était sur la route, au milieu de badauds. Et elle avait derrière elle, en contrebas, toute une plaine de cultures maraîchères, de couleurs laides et sales, avec des masures de planches, de sordides maisonnettes, du linge étendu. Aux tribunes, personne encore. Peu à peu, comme l'inondation grossit, sans qu'à la regarder on devine d'où lui vient le surcroît de l'eau, la foule se gonfla. Sur la route passèrent des escouades de dragons. Anatoly dut se ranger. Elle sentit l'odeur des chevaux. Et quand il s'éloignait, le bruit des sabres battant les étriers lui tintait longuement aux oreilles. Quant à chercher Paulin dans cette confusion, elle y renonçait. Quelle était sa tribune? Puis l'eût-elle rejoint, abordé, elle ne le détournerait pas de sa frénésie. Elle examinait le terrain. Au fond, il y avait les masses géométriques des dernières maisons de Paris, noires et montrant leur plus vilain côté, leur misère intime. Les fortifications les séparaient du pré. Les fortifications, leurs trous, leurs murailles. Anatoly, lorsque les dragons défilèrent sur la route, près d'elle, petite troupe qui annonçait la menace des escadrons rangés ailleurs, conçut l'inquiétante manœuvre, les troupes escaladant le talus, et qui repoussent les manifestants, les culbutent dans le fossé des fortifications, les écrasent au mur. Ou bien, si les manifestants étaient les plus forts, par le nombre et la position, par la facilité de descendre la butte escarpée, ils rejetaient les troupes et, entraînés par leur élan, se jetaient eux-mêmes dans le ravin des cultures maraîchères. C'est évidemment là, et ainsi, tournant au désastre des uns ou des autres, que s'y livrerait la bataille. Anatoly combinait des stratégies redoutables et frissonnait. D'autre part, elle s'étonnait de trouver si calme et morne les appâts de la bataille, qu'elle présageait si affreuse. On eût dit que les adversaires affectaient de s'ignorer mutuellement, ou bien agissaient avec courtoisie, ou bien attendaient l'heure avec une placidité singulière. À l'une des tribunes, il y eut soudain l'ourdelot. Son chapeau de paille repoussé en arrière, il présentait sa grosse, blonde et rouge figure inquiète et niaise. Auprès de lui, une sorte de bourgeois pontifiait, et un garçon râblé, casquette de cycliste sur la tête, servait de rassurant garde du corps. L'ourdelot s'assit, considéra la foule et eut l'air d'un camelot qui se tient à la disposition de la clientèle. Ailleurs, combat. Il querellait gaiement un camarade et avait l'air d'un baladin. Ailleurs, désormais, près de parler, griffonnait encore, d'un crayon sur un papier qu'il tenait dans sa paume. Ailleurs, d'autres. Cela poussait du sol, grimpait aux estrades. Anatolie ne voyait pas le sol qu'elle guettait. Poulain. Et tous ces marchands d'orviétans, ces charlatans comiques, qui allaient écouler leur bavardage, elle les détestait. Ils avaient empoisonné de leur drogue l'âme de Poulain, comme tout à l'heure ils empoisonneraient cette foule. Elle monta au talus. Déjà l'ourdelot s'était mis en branle. Debout, la tête levée vers le ciel, les deux poings tendus vers le ciel, les deux basques de sa jaquette remontées par son geste, il répandait le tonnerre de sa voix. Anatolie se faufila parmi les auditeurs, assis quelques-uns comme pour un déjeuner sur l'herbe. Elle traversa malaisément l'attroupement qui se pressait aux alentours de l'ourdelot, plus achalandé que ses émules. Désormais n'avait pas grand monde. Elle aperçut Paulin, crut défaillir. Peu recherché d'abord, il attira bientôt un public nombreux, qu'augmenta la clientèle déçue de Désormais, et auxquels s'ajoutèrent en masse compacte les clients que, de trop loin, l'ourdelot ne pouvait pas servir. Ah, ce n'était plus le petit Paulin de Castillac, devant la façade démantelée du château, prêchant un évangile déjà périlleux, mais un évangile cependant, et qu'adoucissait délicieusement les formules détournées de la Sainte Écriture. Ce n'était plus cet apôtre aventureux, cet apôtre cependant, et qui, dans son erreur enthousiaste, avait une séduction si amicale. C'était un forcené. Anatolie se glissa jusqu'à peu de distance de lui. Elle le regardait. Elle croyait que l'attention de ce regard attirerait le regard du forcené. Alors ne se tairait-il pas, voyant soudain comme il lui faisait mal? Il ne la voyait pas. Il ne voyait personne. Il ne voyait qu'une foule, et il lançait dans cette foule une éloquence de scandale. Sa voix portait bien. Sa voix que, pour Anatolie, il savait infléchir aux grâces les plus charmantes. Sa voix dure, et dont elle connaissait aussi la dureté. Mais aujourd'hui, sa voix plus dure que jamais, et qui martelait fortement les syllabes, scandait les phrases, et qui assénait les mots comme l'ourdelot les déroulait. Sa voix pressante, mauvaise, acharnée. Et que ne disait-il? Parfois sur la paix universelle et définitive, des sornettes et des fadaises bucoliques. D'ailleurs, le train du discours les emportait dans un mouvement de tempête. Guerre à la guerre! Et le langage de la haine détraquait l'idylle pacifique. Il affirmait que la patrie est une affaire de riches, une invention du capital, aux fins d'entretenir, par les deniers du peuple, une armée fainéante, une armée de défaite, une armée qui, devant l'ennemi, est en déroute, une armée qui ne tue que les travailleurs. Il déclarait que si les riches voulaient une armée, eh bien qu'ils se fissent soldats eux-mêmes, et à leurs frais, et à leurs risques. Tant pis pour eux, si peu nombreux et avilis par leurs débauches. Ils rencontraient la formidable horde populaire, spontanée, elle, déchaînée par ses colères. Ils s'écriaient « À bas l'armée !» Ils proclamaient que le peuple n'a pas de patrie, car la patrie, c'est la propriété mesquine et jalouse, c'est l'ancienne confiscation, l'usurpation continuée. Ils vantaient le peuple de n'avoir pas de patrie. Ils le comparaient aux grands poètes, aux grands savants, dont le génie surpasse toutes les frontières et plane tout ensemble dans l'espace et le temps. Et ils montraient le génie du peuple rayonnant sur l'étendue. Ces flagorneries plaisaient à merveille. L'assentiment de la foule excitait la verve de Paulin, qui redoublait de fougue et de fureur. Anatolie l'écoutait. Et chacune des formules de Paulin était comme un tour de vis qu'il eût donné au chevalet sur lequel elle endurait son martyre. Il fulmina contre l'Église. Il associa pour les flétrir aux officiers les prêtres et dénonça le mensonge religieux complice dans la posture militaire. De sa voix décuplée, de toute son énergie démente, à trois reprises il cria « À bas les patries !» Une ovation accueillit ce blasphème. Paulin descendit de la tribune. Les auditeurs l'entourèrent. Et Anatolie n'aurait pu l'approcher, tant les gens avaient de brutal entrain. Désirait-elle de l'approcher, de lui parler? Non, et ce fut son amertume dernière d'éprouver à l'égard de Paulin un sentiment de répulsion. Paulin et les idées de Paulin, elle ne réussissait plus à les séparer. Elle avait trop clairement vu Paulin, tout Paulin, sa voix, son geste, son ardeur, au service de ses idées, soumis à elle, et il triomphait par elle et avec elle, du même coup, dans le même paroxysme. Anatolie s'éloigna, la tête basse, les jambes flagellantes, le cœur gonflé. Quand elle fut à la route, elle s'apprêtait à regagner Paris. La foule également se retirait, lasse, lente. Soudain, sur le talus grandit le vacarme, qu'à peine avant cela entendait-on, comme une confuse rumeur. Des vociférations éclatèrent. Anatoli se retourna et vit des cohues aux prises. Des coups de feu retentirent, suivis de clameurs. Les dragons déblayèrent la route, s'y rangèrent et firent face au talus. Anatoli, repoussé par la panique que l'arrivée des chevaux jetait dans son voisinage, vit se dessiner la bataille qu'elle avait premièrement crainte et oubliée ensuite. Alors elle se mit à trembler pour Paulin, qu'elle abandonnait dans le triomphe et qu'elle chérissait dans le péril. Mais aller à lui, désormais, il n'y fallait pas songer. Du talus dévalaient des bandes fuyardes et qu'il l'eût se renverser, des bandes immondes et dans lesquelles elle distinguait d'ignobles figures qu'elle n'avait pas remarquées tout à l'heure, une populace plus vile que le reste et qui semblait le résidu, la vase de tout cela, lit des discours et bout des idées. Anatoli était immobilisée, clouée sur place par la stupeur, et elle épiait dans ce qui défilait devant elle Paulin. Elle aperçut des ormeaux. Il sautait difficilement les escarpements du talus. De plus lest le bousculait. Il grognait. Il ne se sauvait pas. Il était pesant et comme ahuri. Les remous, après de longues minutes, parurent moins violents et la débandade s'apaisa. Dans le désordre s'organisa peu à peu la retraite. La fuite éperdue des plus poltrons avait laissé de grands vides, où des agents en bourgeois, parmi les Orions et les Cris, pratiquaient des arrestations, et de mains endroits ils partaient de minces cortèges. L'homme arrêté, encadré d'agents, que suivaient par petites troupes les partisans et que les soldats protégeaient. Et Paulin, Anatoli crut le voir, et elle le vit dans l'un de ses cortèges. La foule à plusieurs fois le lui cachait. Et c'était lui, c'était assurément lui, entre des agents, lui comme un voleur, comme un criminel. Anatoli se fut précipité vers lui. Une étrange paralysie la retenait. Il passa non loin d'elle. On le tenait bien. Il avait en haut de la joue, près de l'œil, une balafre qui saignait. Et il était livide. Anatoli cria « Paulin !» Sa voix s'arrêtait dans sa gorge. Et elle s'élançait. Mais une main lui avait pris le bras. Elle vit des ormeaux, et comme les agents leurs prisonniers, il la tenait bien. Il lui dit « Taisez-vous ! » Elle se débattait. Il lui dit « Taisez-vous, on va vous arrêter vous aussi. Ça m'est égal. Oui, mais si on vous arrête, on perquisitionne chez vous. Et alors, vous savez, il est perdu. Ainsi... » Il lui lâcha le bras. Elle ne bougeait plus. Elle avait compris. Elle interrogea des ormeaux. « Il est blessé ? » ?»« Rien du tout, une égratignure. » »« Vous avez vu qu'il ne marchait pas comme un homme prêt à s'évanouir ?» Oui, elle l'avait vu, ainsi, avec bonne allure, crânant un peu. « On va le condamner ? Il est perdu ? Rien du tout, si vous ne bougez pas. » Un peu plus tard, Desormeaux lui demanda si elle voulait qu'il la reconduisît. Elle refusa. Elle n'avait besoin de personne. Et elle n'avait pas besoin de lui, notamment, de lui, plus coupable qu'un autre, qui n'était pas comme Paulin, pauvre petit, un enfant. Et il était, lui, Desormeaux, savant, ah, plus coupable avec sa science, qui lui servait à duper les innocents. Il la laissa dire et il partit. Elle partit aussi, et dans Paris, elle prit n'importe quelle rue, des rues qui la menaient au hasard. Elle vit une église, elle y entra. Quand le battant feutré se ferma derrière elle, ce bruit fut le seul qu'il y eut dans l'église, à peu près déserte, où à peine deux ou trois femmes, éparpillées dans les rangées de chaises, priaient. Et le silence fleurissait là, comme un bienfait mystérieux. Anatoli n'était jamais entrée dans cette église de lointain faubourg. Elle y sentit son habitude qui l'attendait. Le prie-Dieu où elle s'agenouilla, n'était-il pas le sien ? N'était-il pas sa place réservée, dans cette familiarité facile et auguste de l'église ? Elle s'agenouilla, ses mains cachèrent son visage, et elle pleura, dans une infamie détresse du cœur et non de l'âme. Elle pleura sur son amour, sa destinée, son repentir. Elle pleura sur les tribulations de Paulin, sur la folie de Paulin, tête égarée et qu'elle aimait. Elle pleura longtemps, et peu à peu son terrible chagrin tournait en prière humble, tremblante et apaisante.